Comment faire face à l'incompréhensible? Il y a certains actes des êtres humains, plus peut-être que toute autre chose, qui nous donnent le sentiment d'une limite très précise à notre volonté de connaître ou à notre volonté de comprendre l'univers et les êtres humains. Ce sont ces actes d'abord que nous disons incompréhensibles et qui peut-être nous ramènent à la nature de l'incompréhensible en général, des limites de la compréhension humaine du monde, mais aussi de la capacité de la compréhension humaine à dépasser ses limites. Prenons un exemple très commun de tels actes. C'est par exemple quand quelqu'un qui a mené une vie en apparence ordinaire, heureuse, joyeuse, pacifique, se révèle tout à coup avoir commis un acte atroce. Un voisin, par exemple, dont on apprend qu'il a fait une atrocité, et nous disons alors c'est incompréhensible. Incompréhensible, nous voulons dire par là que cela tranche avec le comportement habituel de cette personne et que cela révèle peut-être aussi un abîme dans la nature humaine, une dimension qui échappe à notre compréhension. Face à l'incompréhensible, nous avons alors deux types de réponses. Et ces deux types de réponses sont tout à fait légitimes et nécessaires, mais ils butent peut-être chacun sur une limite et peut-être qu'il restera toujours de l'incompréhensible. Le premier type de réponse, c'est bien sûr la recherche de ce qu'on appelle l'explication, l'explication objective, l'explication scientifique. Oui, bien sûr, cela vous surprend, mais en fait, il avait fait ceci et cela, et peut-être qu'il y a un contexte social, un contexte politique, une histoire personnelle cachée. Et finalement, on peut rattacher l'événement en apparence incompréhensible à d'autres événements et à une totalité. Et alors, nous pouvons dire que nous le comprenons. Comprendre, alors, c'est situer dans une perspective globale, dans une totalité. Et le propre de l'esprit humain, c'est qu'en effet, il peut comprendre, pas tout, mais le tout. C'est ainsi qu'Einstein, dans sa cosmologie, disait « le monde est compréhensible, il y a une connaissance possible de l'univers, c'est-à-dire de la totalité ». Mais de ce côté, dans une phrase célèbre, Einstein disait bien sûr qu'il y a une limite, car, disait-il, « ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Comment les humains peuvent-ils accéder à la connaissance du tout? N'y a-t-il pas là un mystère de l'incompréhensible ?» Alors on est rejeté de l'autre côté de la compréhension, du fait que la compréhension, ce n'est jamais seulement la situation d'un événement dans une totalité objective, mais aussi dans une singularité individuelle. On a raison de creuser l'acte incompréhensible, de le creuser jusqu'à l'intention du sujet et pas seulement dans l'explication extérieure, car parfois, il y a de l'incompréhensible pour nous-mêmes. Nous ne savons pas comment nous avons pu faire, disons-nous, une chose pareille. Comment ai-je pu faire une chose pareille? C'est pour moi-même incompréhensible. Peut-être que ce noyau dur de l'incompréhensible, de ce qui nous échappe, qui suscite aussi non seulement la volonté d'une compréhension objective, mais d'une connaissance de soi, peut-être que cette limite qu'est l'incompréhensible est ce qui nous permet à la fois de prétendre comprendre, mais aussi de ne pas prétendre réduire, car ce qui nous échappe est aussi ce qui nous révèle.